n'osait même pas te regarder. Mais que nous est-il arrivé? Pourquoi autour de ce café? Quelques paroles échangées. Des regards que je veux complices, puis des sourires qui nous trahissent. Silence qui en disent long, des pointillés en suspension. Tes yeux rougissent dans la tristesse, mais virent au vert d'une caresse. Vont-ils couler pour un baiser ou penser leur plaie cet été? Ou penser leur plaie cet été? Mais nos cœurs sont déjà remplis d'amour qu'on voudrait si joli, qu'il devrait nous faire oublier tout ce qui hante nos pensées. Mais face à tous ces bons moments qui se transforment en sentiments, il faudra bien se décider. Doit-on partir ou bien rester? Tes yeux rougissent dans la tristesse, mais virent au vert d'une caresse. Vont-ils couler pour un baiser ou penser leur plaie cet été? Ou penser leur plaie cet été? Rougissent dans la tristesse, mais virent au vert d'une caresse. Vont-ils couler pour un baiser ou penser leur plaie cet été? Ou penser leur plaie cet été? Ou penser leur plaie cet été? Ou penser leur plaie cet été? Ou penser leur plaie cet été? Pensez leur plaie cet été.